Bonsoir à toi, ami mélomane. Tu es au bon endroit, rassure-toi. Il y a de nombreuses routes qui mènent à Zikactu, ton émission d'actualité musicale. Je ne sais pas laquelle tu as prise, podcast, Facebook, radio en direct sur le site de RDB ou une bonne vieille radio, mais tu es bien arrivé. Alors installe-toi confortablement et défrichons ensemble l'actualité musicale. Cette semaine, nous allons d'ailleurs nous intéresser à l'actualité tout court. Il y a 3 jours, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Par déduction, c'était aussi la défaite des autres. Oui, la Saint-Valentin, c'est pas comme la Chandeleur où tout le monde a le droit de faire des crêpes, non. La Saint-Valentin, si t'as des baskets, ben tu rentres pas. Mais Zikactu, c'est pour tout le monde. Donc pour cette émission spéciale Saint-Valentin, on va essayer de couvrir un maximum de cas et s'adresser à tous. On parlera de l'amour qui vous habite quand même, en évitant d'invoquer les Céline Dion, Lara Fabian ou autres prêtresses de la vie conjugale. Puis on s'attardera sur les autres cas. Les Valentins qui galèrent, qui cherchent mais ne trouvent pas, les trop exigeants, ou ceux qui ne le sont pas assez, ceux qui ne sont jamais au bon endroit au bon moment, et tous les couples boiteux, mal assortis, trop différents ou pas assez, qui font ce qu'ils peuvent pour se montrer dignes des volontés opaques de Cupidon. Allez, sortez les violons, les mandolines, on va y croire encore un peu, 3 minutes 34 d'amour avec Romain Humeau, le chanteur-compositeur d'Eiffel. C'est issu de son album solo, ça fait rêver, ça s'appelle Toi. Puisque la vie est ainsi et que nous ne sommes pas comme ça, peu m'importe l'endroit, la manière, je m'en fous, je trace vers toi. Toi qui n'es jamais la même, dans un va-et-vient on s'aime. Aux abords d'un fleuve en crue sondé, nos abyssales j'aime. Puisque l'amour est ainsi et qu'un seul souffle éteint ça, peu m'importe l'endroit, la manière, je cabre et tombe sur toi. Que nos chairs prennent la fuite à partir de tout de suite, et dans un remue-ménage nos griffonnions sur blanche page. Il se pourrait bien qu'un jour à trop transpirer par toi, je m'y love pour toujours et te laisse en arrière-goût de moi. Moi qui ne suis jamais la même, dans un va-et-vient on s'aime. Aux abords d'un fleuve en creux sondés nos abyssales. Entrouverte au point de fuite, et dans ce charmant manège faire des ratures sur blanche neige. Moi qui ne suis jamais le même, dans un va-et-vient je t'aime. Aux abords d'un fleuve en crue sondé nos abyssales j'aime. Il se pourrait bien qu'un jour à trop transpirer par toi, je m'y love pour toujours et te laisse en arrière-goût de moi. Toi, moi, toi, moi, toi. « C'était donc Romain Humeau, le leader, chanteur, guitariste du groupe Eiffel. Ce morceau est sorti sur son album solo qui s'appelle L'éternité de l'instant, qui est aussi un très bon album. Si vous aimez bien Eiffel, vous serez donc absolument pas perdu. Et qui se finit par une magnifique tierce picarde pour les musicologues. C'est-à-dire que le morceau se finit en majeur après un petit passage de doute juste à la fin, et c'est très très beau. On continue avec deux pointures de la chanson, une pointure de la chanson française et une pointure de la pop internationale. C'est Arthur H et Faced. L'album s'appelait Adieu Tristesse. Personnellement, c'est mon album préféré d'Arthur H. Je vous le conseille. Et le morceau s'appelle La chanson de Satie. Et en fait, c'est issu d'une mélodie d'Eric Satie. Voilà, c'est Arthur H et Faced. C'était Arthur H et Faced sur l'album Adieu Tristesse d'Arthur H, la chanson de Satie. On continue avec Émilie Simon. Émilie Simon, qui est une artiste donc moi que j'apprécie beaucoup dans la chanson française et dans la pop un peu indé. Il se trouve que Émilie Simon a perdu son compagnon en fait de la grippe H1N1. Son compagnon qui s'appelait François Chevalier, et donc il est mort en septembre 2009. Et donc il y a un album qui a suivi qui s'appelle Frankie Knight. Donc lui il s'appelait François Chevalier, donc c'est devenu Frankie Knight, Knight comme le chevalier. Et sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui lui est évidemment adressé comme la plupart des titres de l'album et même des titres des albums qui vont suivre. On écoute donc ce titre particulièrement triste quand on connaît l'histoire, mais qui reste néanmoins une magnifique chanson d'amour d'Émile Simon. Simon, vous êtes sur l'émission Zik Actu, sur la radio des Boutières, et on écoutait donc Je t'aime, je t'aime, je t'aime d'Émilie Simon, dédié à son amoureux disparu de la fièvre H1N1, qui était producteur en fait de ses disques. Et c'est un peu le même cas de figure pour Clarica, que nous allons écouter tout de suite, qui a rencontré, alors bon, lui il est toujours vivant, mais qui a rencontré un chanteur et musicien belge, Jean-Jacques Nissen, au début de sa carrière, avec qui elle fera 5 albums et 2 enfants. On écoute Clarica. Dans la campagne anglaise, 2 prénoms, les pieds nus sur le gazon, 2 anglaises. Avec des reflets blonds dans la campagne anglaise, se rappelaient des chansons, 2 anglaises. À l'éducation sévère, la vieille Angleterre, 2 anglaises, les soirs de pluie riaient en anglais. Anglaises dans la campagne anglaise se cachaient des regards trop indiscrets. 2 anglaises avec une émotion dans cette nature anglaise, échappée des conventions. 2 anglaises à la distinction sévère, la vieille Angleterre. 2 anglaises, les soirs de pluie s'aimait en anglais. Deux anglaises dans la campagne anglaise, loin d'ici, des fumées de la city. Deux anglaises ont quitté leur mari de cette manière anglaise d'aller vivre une autre vie. Deux anglaises à la volonté sévère, la vieille Angleterre. Deux anglaises, un soir de pluie filaire à l'anglaise. Vous écoutiez Clarica, le morceau s'appelle Deux Anglaises et il est issu de l'album La Fille Tu Sais. C'est vraiment des très beaux albums qu'a servi Clarica en compagnie donc de son arrangeur personnel Jean-Jacques Nissen. Et il y a toujours un gros travail d'arrangement et un magnifique travail d'écriture. Moi c'est vraiment une artiste que je vous recommande, Clarica. Donc on continue cette émission sous le signe de l'amour, donc l'amour présent, l'amour passé, l'amour futur, l'amour entre deux femmes, là pour deux anglaises, et l'amour entre une mère et sa fille, toujours chez Clarica. Le morceau s'appelle Lâche-moi et c'est issu de l'album Moi en mieux. Allez, viens là, que je te ferme ton cartable. T'as pas touché tes miels pop sur la table. Dans l'ascenseur, tu vises le bon bouton. J'entends ton cœur sous ton blouson. Dehors, le ciel est là comme d'habitude. Un peu sali, un peu bas, un peu rude. Devant l'école, je te rattache ton bouton. Et toi, tu te colles sous mon blouson. Allez, va, allez, lâche-moi. Allez, va-t'en, va mon amour. Plus tu partiras, plus tu seras heureuse un jour. Sur le fil, tu mènes la danse, c'est pas facile, et ça balance, je te tiens. Va. Allez, va, allez, lâche-moi, lâche-moi la main, va voir autour. Plus tu grandiras, plus tu apprendras tous les jours à nager dans le grand bain et à te jeter à ton tour. Je te tiens. Va. On dit que la vie, elle est semée d'embûches. C'est pas si grave, ça rime avec peluche. Celles qui un jour prendront toute la poussière larguée sur ton étagère. Allez, va, allez, lâche-moi, allez, va-t'en, va mon amour. Plus tu t'en iras, plus tu seras heureuse un jour. Sur le fil, tu mènes la danse, c'est pas facile, mais tu te lances, c'est la vie. Va. Allez, va, allez, dégage, allez, tire-toi, tire-toi et cours. Plus tu grandiras, plus tu prieras pour qu'à mon tour je te lâche enfin la main et tout le reste pour qu'un beau jour cette vie va. Allez, viens là, que je t'enlève ton blouson. C'était comment aujourd'hui et ta leçon? La maîtresse m'a dit qu'elle t'a mis un A pour la peine ce soir, open bar, Nutella. Vous écoutez Clarica, Lâche-moi, c'est le titre du morceau, et Moi en mieux, c'est le titre de l'album que je vous recommande chaudement. Voilà, à l'image de ce morceau qui est vraiment magnifique. Presque trop magnifique. On continue avec Java. On en a beaucoup parlé la dernière fois. On a pas mal parlé d'Arwan, qui est en fait le leader de Java. Et j'avais envie de vous passer un autre morceau de Java, et ça tombe bien, il est dans la thématique d'aujourd'hui. Un extrait des paroles. La tête calée entre tes deux rondes, j'ai trouvé mon point de gravité, mon équilibre. On écoute Hawaï, issu de leur premier album. Perdu dans l'univers, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la tête calée entre tes deux rondes, au bord du trou noir, j'ai trouvé mon équilibre, le point de gravité pour opposer mon crâne, rongé par le vide. Rien ne vaut la tournante, viens te blottir dans mes bras, faire des fredaines, on se murmurera dans un sourire de bref suçon à même. J'ai le béguin pour ta taille de guêpe, ton teint de lit, ta peau de satin. Une lampée de ta bouche fait disparaître l'attraction terrestre. Flotte tes yeux fripons, aimant la bagatelle. Chipper un baiser sur ta nuque sucrée où s'amoncelle le désir que tu émousses. Au froid, les membres gourds se réchauffent quand ils te touchent. À quoi bon chercher les causes, le doute, les routes, l'amour, respirons vite les roses, sans penser l'âme apeurée, que d'autres les ont déjà respirées. Tout le monde en pince pour des petits cancans, et mon esprit déraille, alors mon rêve s'égare jusqu'aux îles d'Hawaï. Perdu dans l'univers, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la tête calée entre tes deux rondes, au bord du trou noir, j'ai trouvé mon équilibre, le point de gravité pour opposer mon crâne, rongé par le vide. Cherchant désespérément à s'accrocher dans un défilé de finesse. Sorti d'un bouche, cherchant le joli minois, la poupe qui renfoue la jolie fleur de Java. Dans tes mains, je suis un joujou. J'ose à peine croiser ton regard enjôleur, alors je plonge mes yeux dans les rondeurs de ta poitrine, respirant tes parfums. Alors mon rêve s'égare jusqu'aux îles perdu dans l'univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. La tête calée entre tes deux rondes, au bord du trou noir, j'ai trouvé mon équilibre, le point de gravité pour reposer mon crâne, plongé par le vide. Perdu dans l'univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, la tête calée entre tes deux rondes, au bord du trou noir, j'ai trouvé mon équilibre. Vous êtes sur la radio des Boutières et c'était Java avec le morceau Hawaï. On a pas mal parlé de Java et d'Erwan la semaine dernière, donc je vais pas me pesantir. On passe tout de suite à Benjamin Biolay, un grand nom de l'écriture de la chanson française. Moi, je suis assez sensible à ce qu'il écrit. Des fois, c'est un peu vaporeux, mais voilà, là, c'est une chanson d'amour. Encore une fois, c'est un peu déguisé, mais c'est une magnifique chanson d'amour qui s'appelle La Superbe. Une chanson sur l'amour en tous les cas. Merci à la merci d'un lampadaire, d'une douleur. cœur endormi d'un chasse esprit d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme familière. On gagne, on perd, on perd la gagne. C'était Benjamin Biolay avec La Superbe. On reste dans les grands noms de la chanson française avec Mathieu Bogarts. Et on passe un peu du côté tendancieux de la chanson d'amour où voilà, le titre c'est Avant que je m'ennuie. Donc oui, l'amour ne dure pas toujours et il y a un moment où on peut se poser la question attention, je vais bientôt m'ennuyer là. Donc du coup, Mathieu Bogarts l'explique bien mieux que moi. C'est Avant que je m'ennuie, c'est sorti sur son dernier album, Mathieu Bogarts. Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu, si tu as envie, et si tu veux que je veux moi aussi. Chérie, si tu cherches moi, si tu veux de l'appui, si tu veux du poids, si tu veux que la nuit, je me mets sur toi, oui, si tu veux qu'avec toi, je crie. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie. Chérie, sors de ton trou, montre-moi ta flamme, oui, montre-moi tout. Si t'es une femme, montre-moi dessous, montre-moi tes charmes jusqu'au bout. Oh oui, donne-moi ton goût, moi que tu affames, donne-moi ton cou. Si tu veux que je brame, mets-toi à genoux et range ton arme, ton caillou. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie. Mais toi, c'est que t'as peur du loup, c'est que t'as peur que je t'aboie, tu as peur à vous, tu crois que le loup c'est moi. Tu as peur du coup, tu crois que la proie, c'est toi, c'est tout. Mais moi, moi je suis né où? Je suis pas né dans les bois, je suis né dans les choux, juste à côté de toi. Range ton fusil, moi je veux que tu veux, toi aussi. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie. C'est extrait de son dernier album, Avant que je m'ennuie. Donc on a dit qu'on parlerait un peu de toutes les étapes de l'amour. Bah là, ça commence à chauffer un peu. On va passer à l'étape d'après, avec Richard Desjardins, un chanteur, pianiste, guitariste, virtuose, québécois, un ancien, mais qui fait vraiment de la belle musique. Cet album, je crois qu'il date de fin des années 90. L'album s'appelle Boom Boom. C'est Richard Desjardins. Et le morceau s'appelle Où as-tu mis mon cœur? Non, Où as-tu mis ton cœur, pardon. Ça, c'est un bel accent québécois. Là, au moins, on entend d'où ça vient. C'était donc Richard Desjardins. Où as-tu mis ton cœur ? Extrait de l'album Boom Boom. On continue avec Dominique A. Dominique A, j'en ai parlé il y a 2 semaines, parce qu'il va sortir un album. Et je vous ai fait écouter Éléor, donc le titre éponyme de l'album qui va sortir, qui s'appellera donc Éléor. Et il y a un autre titre qui est sorti de cet album en single, en fait, avant que l'album sorte, qui s'appelle Au revoir mon amour. Donc là, je crois qu'on a bien, on a basculé. Et vraiment, Dominique A, bah voilà, j'en ai passé il y a 2 semaines, mais j'en repasse aujourd'hui parce que je trouve que, en tous les cas, particulièrement ces 2 morceaux, il y a une classe incroyable. Un véritable monarque de la chanson française. Il y a quelque chose de grandiose. On écoute Au revoir mon amour de Dominique A. Ça fait bientôt 1 heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt 1 heure sans oser te parler, et soudain il arrive. Et vous vous en allez. Au revoir mon amour. Peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer ou bien m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. C'était Dominica, Au revoir mon amour, issu de son album qui va sortir, donc Eleor. Et à mon avis, il a trouvé, en plus de cette classe qu'il avait déjà, quelque chose, une simplicité, quelque chose qui parle directement dans les textes, qui était parfois un peu trop complexe. Et là, il y a vraiment une proximité qui s'est fait, et j'espère que tout l'album sera de ce niveau-là. Et donc, Au revoir mon amour, et ben voilà, on a tourné la page, et quand la page est tournée, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, l'amour c'est du pipeau. En tous les cas, c'est ce que dit Brigitte Fontaine dans Kékéland. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes et les boulouches n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barde dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargnez nos voglaires. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. gogo. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. C'est Brigitte Fontaine et elle sait de quoi elle parle, Brigitte. Elle a plus de 70 ans maintenant, donc à la louche, hein, je sais pas exactement, mais donc Brigitte Fontaine et son, vous fait partager sa grande expérience sur la radio des Boutières. Une expérience un peu plus courte, mais a priori pas mal torturée, c'est celle de Club des Losers. On retourne à son premier album qui s'appelle Vive la vie. Alors c'est assez difficile de passer du Club des Losers en radio comme ça. Impunément, mais on va essayer de le faire quand même. C'est pas le titre le plus hardcore, mais en tous les cas, donc on est dans le cadre du hip-hop versaillais qui condamne, qui déclare, qui remue. Le morceau s'appelle Ne plus y croire et ça parle d'amour et vraiment il est super bien écrit. C'est Club des Losers. J'ai été manutentionnaire, vendeur de valises et même caissier. Pourtant être livreur d'amour est le pire travail que je n'ai jamais fait. Ils m'ont appelé lorsque j'ai compris que c'était fini, qu'il ne fallait plus que j'y touche afin de ne pas gâcher ma vie. Que le mariage est une belle chose qui se transforme en divorce. Qu'après 2 ans dis plus je t'aime comme au début mais qu'on se force. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Je tends un œil dans mon rétroviseur, j'en aperçois parfois. Se tenant la main tendrement, d'autres s'enlaçant ou se fixant comme s'ils pouvaient stopper le temps. Mon job ne m'empêche pas de les envier de vivre ces moments. Et si certains ont des doutes sur l'existence de ce que j'apporte, personne n'a jamais encore refusé de m'ouvrir sa porte. Je leur tends et avidement leur main griffe les petites bouteilles. Seulement quelques gorgées pour que leur vie ne soit plus pareille. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Je m'arrête à leur porte et leur vie prend un sens. Jusqu'à ce jour où je ne passe plus et qu'il ne reste que la souffrance. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Lorsqu'ils me voient passer, tous les gens me sourient. Car personne ne se rend compte que je viens gâcher leur vie. C'est souvent pendant leur jeunesse qu'ils ont leur première livraison. Pour que le reste de leur vie tente de retrouver cette sensation. Cette joie d'être livré comme celui ou celle que l'on désirait. Savoir qu'il n'y a plus qu'à s'embrasser après avoir vérifié que sur les bouteilles les deux mêmes noms sont bien inscrits, qu'ils concordent. Et soudain comme par magie, deux êtres humains s'accordent. J'ai remarqué que les gens parlent tous de leur premier amour au passé. Parce qu'il y a toujours ce jour où je ne viens plus les livrer. Mais trop rarement les deux en même temps. Donc inévitablement c'est la descente aux enfers pour celui dont les effets persistent. Moi je n'y peux rien si le nom de ton amour n'est plus sur ma liste. Je n'aime pas mon métier, il consiste à rendre les gens tristes. Mais ce n'est pas la peine qu'ils essayent de faire un procès à ma compagnie. Il n'avait qu'à lire l'étiquette collée sur la bouteille, tout est inscrit. Effet secondaire, risque d'accoutumance, rejet de la réalité, souffrance, état dépressif, risque d'insomnie, crise de démence. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Je m'arrête à leur porte et leur vie prend un sens. Jusqu'à ce jour où je ne passe plus et qu'il ne reste que la souffrance. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Lorsqu'ils me voient passer, tous les gens me sourient. Car personne ne se rend compte que je viens gâcher leur vie. J'ai l'impression qu'ils pensent tous que c'est gratuit. Ils n'ont rien compris, sous les feux des bouteilles ils sont tous poussés à la consommation. Ils en viennent vite à prendre des crédits pour s'acheter des maisons. Lorsqu'ils se mettent à faire des enfants, mes patrons sont contents. Des premières couches aux études, ils en prennent au moins pour 20 ans. Quand l'amour meurt, les mecs sont dans l'alcool, les filles se vengent sur les gâteaux. Mes patrons vous remercient, leur chiffre d'affaires est au plus haut. Même ceux que je ne livre pas se ruinent en vêtements et en parfums, espérant secrètement que cela pourra peut-être changer quelque chose. Pourtant je n'ai toujours pas reçu des bouteilles pour elle et toi. Allez, c'est bien, continue de lui envoyer des roses. Mauvaise nouvelle, il n'y aura pas d'amour dans la ville aujourd'hui. Ma camionnette a explosé, le chargement est détruit. Mais ils ne me verront pas de peur que je dise dans les journaux que cet amour que tout le monde veut, ce n'est que du sucre avec de l'eau. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Je m'arrête à leur porte et leur vie prend un sens. Jusqu'à ce jour où je ne passe plus et qu'il ne reste que la souffrance. Je suis livreur d'amour, de nuit comme de jour. Ma camionnette parcourt la ville ainsi que ses alentours. Lorsqu'ils me voient passer, tous les gens me sourient. Car personne ne se rend compte que je viens gâcher leur vie. Mais l'amour, cela n'existe pas. Mais l'amour, cela n'existe pas. Mais l'amour, cela n'existe pas. Mais l'amour. Mais l'amour, cela n'existe pas. Mais l'amour, cela n'existe pas. Et ben heureusement qu'on n'est pas à la Saint-Valentin finalement. Je vous avais dit qu'il y en aurait pour tous les goûts, pour tous les Valentins, toutes les formes de Valentin, seul ou accompagné. Et on continue tout de suite avec un petit extrait d'une chronique de Daniel Morin. Ben oui, que se passe-t-il quand la Saint-Valentin est finie? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au match du PSG, on vire sa femme et on la remplace par des potes. Eh ben écoutez, c'est bien la vie de Daniel Morin. Je vous passe un petit extrait de la chronique de Daniel Morin qui est dans l'émission La bande originale avec Nagui en fin de matinée sur France Inter. Saint-Valentin, fête de bourrin. C'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors, comment réussir sa Saint-Valentin? Voilà la grande question. On peut la jouer romantique, mais en profiter aussi pour dire ce qu'on a sur le cœur et délivrer, pourquoi pas, un message. Non, mon amour, cette Saint-Valentin me rappelle que sans toi, je ne suis rien, je suis si seul sans toi. Non, je n'exagère pas, depuis que je suis en couple avec toi, mes amis refusent de me voir. Ma vie à tes côtés est un havre de paix depuis que tu m'interdis de regarder le foot que j'aimais tant, vilaine. C'est grâce à toi que ma vie s'est enrichie de saveurs exquises, puisque tu n'aimes que les restos hors de prix, connasse. À ton contact, j'ai appris le partage, la générosité, la solidarité, puisque tu as emménagé chez moi avec tes 5 chats qui puent. Salope. Mais sache qu'au fond, jamais je t'en voudrais de quoi que ce soit. Surtout aujourd'hui pour cette Saint-Valentin, que je veux spéciale. Et crois-moi, elle va l'être, ma chérie. Oui, je t'ai réservé plein de surprises, car tu le mérites. Oh oui, tu le mérites. Pour commencer, après avoir passé tes 5 chats au micro-ondes, j'ai été m'acheter l'intégrale des matchs du PSG que je compte regarder tout le week-end avec mes potes à qui j'ai dit que tu étais morte et qui m'ont félicité. Tu vas penser que je suis un monstre, que je ne t'aime pas, mais tu te trompes, mon amour, tu te trompes. Si tu savais comme je pense à toi à chaque fois que je me tape la voisine, je te jure, à chaque fois, mon amour. Alors, bonne Saint-Valentin à toi et à ta mère, bien sûr, dans les bras de laquelle tu vas sûrement aller chialer comme une pauvre fille. Oui, bonne Saint-Valentin aussi à ta mère, car figure-toi, je me la suis tapée, elle aussi. Alors, je sais, c'est cruel et je sais que ce sera peut-être pas la plus belle Saint-Valentin qui se profile pour toi, mais je m'en fous parce que pour moi, ce sera sûrement la meilleure. PS, si tu reviens à la maison, je te bute. Je t'aime. Oh, ben ça a le mérite d'être clair, les amis, hein, tout en respectant le thème. L'amour. Et oui, vous êtes sur la radio des Boutières, Zik Actu, et ça a le mérite d'être clair, et ça respecte le thème. Le thème, c'était l'amour. Hein. Bon, la Saint-Valentin, j'ai pas dit que c'était sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai dit qu'on était sur le thème de l'amour. Enfin, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais vous réécouterez le début d'émission pour me faire mentir. Ou bon, revenons à nos moutons. Il n'y a pas que la Saint-Valentin dans la vie, et il n'y a pas eu que la Saint-Valentin ce week-end, il y avait aussi les victoires de la musique. Donc bah, les victoires de la musique, chaque année, j'essaye de regarder quand même pour prendre un peu la température de la scène musicale française. Bon bah là j'ai pas pu parce que j'avais raclette. Mais bon, si vous aussi vous aviez piscine, poney ou cours de siffle, voilà ce qui s'est passé vendredi soir. Les nominés sont dans la catégorie artiste masculin, Calogero, Julien Doré et Johnny. Ça fait réfléchir quand même. Alors ils ont choisi Julien Doré, pourquoi pas. Chez les artistes féminines, on a eu Brigitte, dont je vous ai pas mal parlé, The Do, dont je vous ai beaucoup parlé, donc il parlait particulièrement d'Olivia, et Christine and the Queens, qui a finalement tout raflé. C'était donc elle, l'artiste féminine de l'année. Elle a raflé plusieurs prix, et c'était un peu le Stromae de cette année. Dans l'album Révélation, on a eu le droit à Vianney, que je connaissais pas, pourquoi pas, François and the Atlas Mountain, ça je vous en ai peut-être déjà passé, je sais pas, c'est assez classe. Et ben non, c'est Indila qui a eu l'album Révélation avec Mini World, ça je vous en ai pas passé, et je pense pas que ça arrivera tout de suite. À part peut-être son troisième album, l'album de la maturité, peut-être qu'il sera incroyable. L'album de chansons de l'année, on a eu le choix entre Christine and the Queens encore et Calogero, mais non, ils ont choisi Alain Souchon et Laurent Voulzy. Le tube passe de temps en temps sur RDB, derrière les mots, je trouve ça plutôt sympathique, personnellement. L'album rock de l'année, je suis très très content, c'est The Do qui l'a emporté avec Shake Shook Shaken, qui n'est pas du tout un album rock, mais c'est pas grave, ça fait plaisir en tous les cas qu'ils aient une victoire de la musique de dos. Chez les musiques urbaines, c'est Akhenaton qui l'a emporté. L'album de musique du monde, c'était Rivière Noire, je connais pas du tout. Et album de musique électronique, j'étais très content que Ghost Surfer de Cascadeur ait la victoire de la musique devant Yel et David Guetta, ça c'était la bonne nouvelle. Pour la chanson originale, c'est Laurent Voulzy donc et Alain Souchon qui a emporté. chanter avec derrière les mots, qui est plutôt chouette en effet. Ils ont quand même replacé Stromae cette année pour le spectacle musical et le clip. Bah, c'est encore Christine and the Queens qui a piqué la vedette à The Do et Indila. Moi, j'ai pas fait de grosses découvertes sur cette victoire de la musique. Régulièrement, je découvre un truc ou deux. Là, il y avait quand même deux artistes que je connaissais pas. C'est ALB, je sais même pas si on dit ALB ou ALB, qu'on va écouter tout de suite. Et après, on écoutera Benjamin Clémentine, qui était la révélation scène de l'année. Pour l'instant, on écoute ALB. Peut-être que vous, moi, ça me disait quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Le titre s'appelle Golden Chains. Something imminent in my head. I wonder how long I could switch it off and switch it off again. It may be shame that I'm feeling, but it makes me get off my bed. And then I watch my face in the mirror and try to recognize a friend. It's nice to see you again. It's better than nothing. Then take off your golden chains. It's something you can't give in. Being some wheel in the engine. It's a notion that I can't defend. And yet, it's tough to play the part so hard and finally disappear from the scene. Move to the city, move in there, and find myself in another place. I swear that among the reasons for losing confusion, I find a proper solution. Come back in then. It's nice to see you again. Ah, it's better than nothing. And take off your golden chains. Ah, it's something you can't give in. It's nice to see you again. Ah, better than nothing, nothing, nothing, nothing. And take off your golden chains. Something you can't give in. Vous écoutez ALB. Le titre donc Golden Chains et l'album s'appelle Come Out, It's Beautiful. Et c'est assez festif, c'est assez frais, ça fait plaisir. Et leur prestation aux Victoires de la Musique, je vous la conseille, elle était très très bonne, c'était franchement super bien. J'ai découvert donc un autre artiste qui est la révélation scène de l'année qu'on entend actuellement. C'est Benjamin Clémentine avec une voix venue d'une autre époque. Voilà, Joe Cocker, ce genre de voix, enfin je sais pas, bon, à vous de préciser sur la page Facebook de l'émission. Sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said. Woke out the door with her, you could see everyone. Dressed in black, the glasses seemed too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is calling you. Why are you denying the truth? preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Vous écoutez Benjamin Clémentine. C'est la révélation scène de l'année pour les Victoires de la musique. Et non, j'ai dit Joe Cocker, mais pas du tout. Peut-être Bobby McFerrin. Bon, en tous les cas, jazz vocal. Ce genre de choses, je sais pas. Mais c'est très chouette. Et cette petite musique nous rappelle que c'est déjà la fin de l'émission, voire on est un peu en retard. Et ben écoutez, finalement, la fête des amoureux et des Victoires de la musique, c'est un peu pareil. On s'adresse aux gagnants et on oublie tous les autres. Et les nominés qui repartent chez eux sans victoire, ou tous ceux qui ont tout donné, qui ont dragué comme des bêtes affamées toute la soirée, qui rentrent seuls chez eux, et ben on les oublie. Allez, cette émission est terminée, je la dédicace à tous ceux qui essayent mais qui n'y arrivent pas, à tous les intermittents qui galèrent pour boucler leur statut, à tous ceux qui font de la musique trop personnelle, trop complexe pour pouvoir en vivre, à tous ceux qui n'ont pas eu de place sur le podium des victoires mais qui ont une place de choix dans la programmation de Zik Actu. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures.